Chapitre 6e, où Romain Farrel poursuit une discrète filature. Mentana avait reconduit le marquis jusqu'au seuil de la boutique, le suivant des yeux, tandis qu'il disparaissait au tournant de la rue. Brusquement, ses sourcils se froncèrent, ses traits se transformèrent, presque cruels. Le regard devint haineux, et ses lèvres atrocement crispées balbutièrent à mi-voix. « Non, je n'oublie pas Luciano, et je pardonne moins encore. » Il revivait maintenant, dans toute son intensité, l'aventure qui avait failli lui coûter la vie. L'histoire d'ailleurs remontait à 5 ans déjà, mais était toute fraîche encore dans sa mémoire. Un drame où l'amour était en jeu. Paolo Mentana menait à l'époque une existence dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle était franchement louche. Il fréquentait tout un monde d'aigres femmes blasonnées, dont Santonelli était certes le plus bel ornement. Or il arriva que Paolo et lui s'éprirent follement de la même femme, une ballerine, qui montrait ses préférences pour le marquis. Mentana en avait pris ombrage et se promettait bien, le cas échéant, de perdre son ami dans l'esprit de la belle. L'occasion ne tarda pas à lui en être fournie. Grâce à des complicités acquises, une partie avait été organisée au cours de laquelle un riche joueur devait être proprement chambré. Une lettre anonyme avertit ce dernier de ce qui se tramait contre lui et de son côté il prévint la police. Au jour dit, des agents de la brigade des jeux firent irruption dans le tripot et tout ce joli monde fut arrêté. Luciano, impliqué dans ce scandale, était parvenu à tirer son épingle du jeu, bénéficiant du doute. Il avait eu communication de la lettre accusatrice et reconnu l'écriture de Paolo. Un coup de stylet suivit, qu'un soir Mentana reçut dans l'ombre d'une rue obscure et déserte. Fiché dans le dos, l'arme avait perforé le poumon et ce fut miracle qu'il en réchappa. Mais il en avait gardé à Luciano une profonde rancune, et s'il ne s'était pas vengé, c'est qu'il avait complètement perdu le marquis de vue depuis lors. Tel était l'amer souvenir que Santonelli était venu tout à l'heure lui rappeler au cours de sa visite. Comme le chien qui, sous la menace des coups du maître, s'aplatit en rampant, le ventre à terre, prêt à le mordre de ses crocs cruels dès qu'il a le dos tourné, Paolo sentait renaître en lui les pires sentiments d'une rage impuissante. Il s'apprêtait à rentrer dans sa boutique, quand il vit un passant arrêté devant et très occupé à déchiffrer les titres des livres poussiéreux dressés en pile à l'entrée. Un coup d'œil rapide suffit à Paolo pour deviner en lui un client sérieux. Sa mise, d'ailleurs, contrastait étrangement avec l'ambiance de ce quartier sordide qui, ce jour-là, était décidément destiné à voir des visiteurs correctement mis, de ceux, en un mot, qu'on y rencontrait rarement. Paolo, en commerçant avisé, s'approcha de lui et le visage éclairé d'un sourire engageant demanda « Vous cherchez quelque chose, signor. » Le nouveau venu, un homme qui n'avait guère dépassé la trentaine, se redressa et sans embarras répondit « Mon Dieu, oui. À tout hasard, je regardais si vous n'aviez pas, parmi vos bouquins, un ouvrage ayant trait au vieux palais, aux anciennes résidences de Gênes. Pour un travail historique, sans doute. Oui, oh, pas pour moi, bien sûr, mais pour un érudit chercheur, un savant dont je suis le secrétaire. Les demeures seigneuriales de quelle époque ? Sans qui Mentana intéressé. La belle époque de Gênes, celle des grands navigateurs. 16e et 17e siècle ? Oui, c'est cela. Mais pas plus tard. Le 18e n'intéresse pas mon patron. Quant au 19e, c'est trop récent. Je vois bien ce qu'il recherche, s'exclama Paolo, qui parut fouiller dans sa mémoire. Mais je ne crois rien avoir réellement qui puisse satisfaire votre savant. Soudain, le souvenir de son entretien avec Luciano lui traversa l'esprit. Il eut un sourire amusé et reprit. « Voyez comme c'est curieux. Il n'y a qu'un instant, un autre client était ici qui, lui aussi, s'intéresse à toutes ces demeures de l'ancien temps. « Allons donc, » fit l'inconnu, montrant quelques surprises. « Et serait-ce dans le but également de se documenter en vue d'un semblable travail ?»« Oh non, rassurez-vous, ce n'est point du tout ce qui le préoccupe. Nous nous connaissons depuis longtemps et, sachant que je suis pas mal au courant de bien des choses, il était venu me demander si je ne connaîtrais pas quelques vieux palais. » dont le propriétaire chercherait à se défaire. Drôle d'idée au milieu du modernisme actuel qui est le goût du jour. Quelques vieils amateurs, sans doute, entichaient des choses d'autrefois. Détrompez-vous. Le marquis Santonelli dont je vous parle est un homme jeune. Aussi sa demande n'a-t-elle pas manqué de me surprendre. Mais j'ai tout de suite pensé qu'il s'agissait là d'une fantaisie, d'un caprice, et je n'ai pas osé pousser plus loin la curiosité. Et avez-vous pu le renseigner? J'ai fait mieux, signor. Je lui indiquai un palais qui répond exactement à ce qu'il désire. Je savais en outre que sa propriétaire cherchait depuis longtemps à le céder, avec le magnifique mobilier ancien qu'il contient. Besoin d'argent, je devine. Oh, ce n'est pas tant cela. mais cette demeure du temps jadis passe pour être hantée. Quelle plaisanterie! Il y a encore des gens à notre époque de progrès pour croire à de pareils billevesées. Permettez-moi, signor, de ne pas partager votre opinion. Le marquis aussi était sceptique. Il a bien fallu pourtant qu'il se rende à l'évidence, quand je lui ai relaté l'étrange légende qui court sur le palais Pizzano. Ah, c'est du palais Pizzano que vous voulez parler. Vous le connaissez, signor? L'autre eut un moment d'hésitation, puis expliqua. C'est-à-dire qu'on en a touché quelques mots, en me disant qu'il était fort curieux. Et personne ne vous a fait part de la fameuse légende? Ma foi non, pas que je me souvienne du moins. Oh, elle vous aurait frappé, soyez sûr. Elle vaut la peine d'être connue, et si vous n'êtes point trop pressé, je vais vous la conter brièvement telle que je l'ai rapportée au marquis Santonelli. Vraiment, je serais curieux de l'entendre. Ils avaient tous deux gagné l'arrière-boutique où le désordre régnait presque autant que dans le magasin. Mentana lui refit alors presque mot à mot le récit qu'on a lu, sans en omettre ce qui avait trait à la confession du maître maçon. « Eh bien, signor, s'exclama-t-il en terminant, ai-je exagéré en vous annonçant que mon histoire valait la peine d'être écoutée ?»« Non, certes, elle est fort bizarre, et je suis sûr que votre marquis, ah, je vous jure qu'il aurait donné cher pour savoir où peut bien être la cache en question. » Il est de fait que lorsqu'on est au courant de la légende, il y a de quoi éveiller la curiosité. Chez lui, c'est plus que de la curiosité. Il ignorait tout comme vous la sinistre aventure de la Gioconda. Et pourtant, dès qu'il a connu l'existence de cette cache secrète, où doivent certainement encore se trouver les ossements de l'infortuné victime de l'armateur, il s'intéressa outre mesure à en découvrir l'emplacement dans le palais Pizzano. Il voulait coûte que je lui retrouve parmi mes paperasses le document laissé par le maître maçon. Et naturellement, vous n'avez pas pu mettre la main dessus. Si fait, je savais parfaitement où je l'avais rangé. Alors, il me l'aurait sûrement payé un bon prix. Je n'en doute pas. Mentana dissimula mal un air embarrassé, puis l'expliqua. Le marquis Santonelli et moi, nous n'avons pas toujours été en bons termes. À vous parler franchement, nous avons même été longtemps brouillés. Histoire de femme, ajouta-t-il, au hasard, sans vouloir rentrer dans de plus amples détails. Je ne m'attendais pas à sa visite aujourd'hui. Mais, effet contre fortune bon cœur, en l'accueillant, je lui ai même fourni les renseignements qu'il désirait. Mais néanmoins, je lui ai gardé rancune du passé et je n'ai pas voulu lui remettre ce document auquel il semblait en tenir. C'est une petite vengeance comme une autre. Mesquine, me direz-vous, c'est vrai, mais elle me satisfait, croyez-moi. Mentana se leva et du tiroir d'un ancien bahut mal équarri, il sortit une pochette de cuir très usagée. Il y fouilla quelques papiers assez crasseux et un feuillet jauni coupé dans ses pliures. Il l'ouvrit, le déplia sur la table et s'exclama. « Tenez, la voilà, la confession in extremis du maître maçon. Lisez vous-même. » Le jeune homme en déchiffra avec difficulté le texte tracé d'une main tremblante qui corroborait le dire de Paolo. « C'est vraiment fort curieux, » déclara le client en lui rendant le document, « n'est-ce pas ? Croyez-vous que le savant, dont vous êtes le secrétaire, serait heureux de la posséder dans ses archives historiques ? N'en doutez pas un seul instant, mais je comprends aisément que vous ne vouliez pas vous en séparer. « Qui vous a dit cela, signor ? » reprit le brocanteur en reposant le papier sur la table. « Prenez-le, vous m'en donnerez ce que vous voudrez. »« Vous me mettez dans un cruel embarras, » s'écria le client qui hésitait. « C'est une pièce qui peut avoir une valeur inestimable, et peut-être faites-vous un marché de dupes. Dites-moi votre prix. » Sans lire, est-ce trop ? Je vais faire mieux et vous en donner le double. Oh, signor, je suis grandement votre obligé, d'autant que je joue ainsi au marquis un tour à ma façon. Mentana empocha les billets, et comme le client, après avoir glissé le document dans son porte-carte, se dirigeait vers la porte, il lui dit encore. Alors, si je trouvais parmi mes bouquins un ouvrage que je croirais devoir intéresser votre vieil historien, faudra-t-il vous le mettre de côté ? Mais certainement. J'espère d'ailleurs bien vous revoir, car vous êtes un homme précieux. Sans doute même reviendrai-je en compagnie de mon patron, qui, je vous assure, est un vieux fouineur. Toujours à vos ordres, signor. Sans autrement presser le pas, le jeune homme suivit son chemin dans la rue. Mais le brocanteur eût été certainement étonné de voir la joie qui brillait dans ses yeux. Ce n'eût rien été pourtant côté de sa surprise, s'il avait pu lire les pensées qui traversaient l'esprit de son client pendant qu'il s'éloignait. Cornel Bjork, songeait-il, saura comment j'ai mené à bien ma filature. Quand il apprendra l'histoire de l'Inpace, cette cache secrète dont le marquis a tant d'intérêt à découvrir l'emplacement, je suis bien certain qu'il sera fier de l'élève qu'il a formé à son école. Car le client de Paolo Mentana, l'inconnu à qui le brocanteur n'avait même pas pensé à demander son nom, n'était autre en effet que Romain Farrel.